partir dans son chantons tous avec Musette. Parti, c'est réussi. Musette Parti a réuni tous nos amis. Les morceaux que l'on a choisis ne sont pas d'aujourd'hui. Ils remplissent nos cœurs de joie, de bonheur. Nous danserons jusqu'à demain. Cœur bien plein d'entrain, chassant tous nos soucis. Et puis, Musette Parti, c'est notre vie. Et c'est parti, dans son chantons tous avec Musette Parti. C'est réussi, Musette Parti a réuni tous nos amis. Si le village est en fête, que la famille guerre, ça remplira les cœurs de joie, de bonheur. Pour oublier jusqu'à demain toute peine et tout chagrin, un peu d'accordéon, c'est bon. Eh bien, bonjour auditrice et bonjour auditeur de Radio Guémozo, Résonance FM et Fréquence Amitié. Bienvenue dans votre émission Musette Parti, comme chaque samedi matin et chaque dimanche matin, donc sur Radio Guémozo, entre 10h et midi le samedi, dès 11h sur Résonance FM à la Bresse, 88.1, et sur le 91.3, donc pour nos amis franc-comtois, en Haute-Saône, à Vesoul, eh bien c'est sur Fréquence Amitié tous les samedis dès 9h. Et le dimanche, eh bien, il y a également Musette Parti, donc dès 5h sur Résonance FM à la Bresse, 88.1, et dès 7h sur Radio Guémozo 107.0. Un grand merci à vous d'être à l'écoute de Musette Parti. Et sans plus attendre, eh bien, voici la série de Passadoble avec Daniel Girard pour commencer, qui nous vient de Franche-Comté, puisque c'est extrait d'un album qui s'appelle Franche-Comté en fête. Ah, ils aiment bien faire la fête en Franche-Comté, hein. Donc il y a Daniel Girard dans cette compilation, Manu Mauguin, Benoît Chabot, Pierre-Alain Krumnacher, Florent Goris, Émilien Roy. Et voici le passo des bassos avec Daniel Girard pour ouvrir le bal. Et c'est signé Daniel Girard et René Raisonville. Allez, c'est parti pour le passo double et bienvenue dans Musette Parti. Bonne émission à vous. Thank you. Merci à Dorothée Loire qui nous vient du Nord avec ce dernier passo doble eh bien, qui s'appelle El Camelo, signé Christophe Lampidecchia, Jean-Marc Torchi et Dorothée Loire qui nous vient du Nord. Alors ce passo doble, eh bien, vous pouvez le retrouver dans cette compilation qui s'appelle 1, 2, 3 musettes, en tout 100 titres, hein, avec 4 CD, un coffret 4 CD. Avec la plupart des musiciens qui se produisent dans 1, 2, 3 musettes. Une émission présentée par Pierre-Yves Lombard et Jérôme Richard, une émission télévisée. Hein. Voilà, donc après le passo doble, eh bien on reste dans le sud. On va aller du côté du Portugal avec notre ami Armando Das Neves, puisque cet accordoniste a des origines portugaises. Eh bien, on les salue d'ailleurs au passage, hein, nos amis portugais. On leur fait un gros bisou. Et voici Amor de País. Donc une valse portugaise. Elle s'est signée Jean-Marc Torchi et Armando Das Neves. Un album en 22 titres. Un album qui s'appelle Folle Lusitano. Donc disponible chez CDMC, une maison de disques, hein, de distribution de CD et DVD. Allez, c'est parti. Amor de País. Armando Das Neves. Dans Musette Party. We'll be right back. Eh bien, merci au trio Mercier. C'était le trio Mercier dans Musette Partie avec cette jolie valse mexicaine également. Hein. Et Rosalita. Avec leur album eh bien, qui s'appelle C'est Magnifique. Donc, c'est un trio. Et cette valse, c'est bien, c'est signé Gérard Bercier, Jérôme Salé et Joël Bonamy. Donc il y a à l'accordéon, eh bien Patrick Mercier, au chant également, il y a Romain Hiverneau et Michael Gâteau. Voilà, ce sont les trois membres de cet orchestre. Bon, alors maintenant, direction l'Argentine avec un très joli tango qui s'appelle Latino Tango. Alors là, c'est interprété par Daniel Tiberio à l'accordéon. C'est signé également Daniel Tiberio et Maurice Larchange. Extrait de cet album qui s'appelle Tiberio. Eh bien, c'est parti avec le tango, Latino Tango. Thank you. bien, merci Christelle. C'était Christelle Jeanblanc dans Musette Partie avec ce joli tango. Signé Christelle Jeanblanc. Armand Bernacchi. Jérémy Vanreau. Et c'est tout, voilà. Donc, le titre, eh bien, c'était Camélon Tango, là, que vous venez d'écouter. Extrait d'un album donc, de Christelle Jeanblanc qui s'appelle Souvenir d'une dernière valse. En 24 titres. Et à noter que Christelle, eh bien, vous fera danser du côté des Vosges. Dans les Vosges, eh oui. Elle sera du côté du Pierraco à Laveline devant Bruyères, donc à côté de Bruyères. Pour un thé dansant le 31 mars de 14h30 à 19h. Donc avec Christelle Jeanblanc à l'accordéon. Ça va chauffer au Pierraco, attention, hein, le 31 mars donc. Hein. Pour plus d'infos, bien voici un numéro, c'est le 03 29 58 50 65, je répète, 03 29 58 50 65. Et tout de suite, eh bien, on va aller du côté de l'Italie avec un duo. Eh bien, c'est Virginie Zeflinski et Cyril Doré avec une tarentelle, une jolie tarentelle. Ça s'appelle Une tarentelle pour tous. Alors, c'est de Christelle Jeanblanc également, de Virginie Zeflinski, de votre serviteur et de Cyril Doré. Extrait d'un album. S'appelle, eh bien, Accordéon, chant, yodel, volume 3. Donc Virginie et Cyril qui nous viennent de Savoie. Voilà. Bah, ils sont pas très loin de l'Italie. Hein. Alors c'est parti avec une tarentelle pour tous. Allez, c'est pour vous également donc, hein, puisque c'est pour tous. Allez, un pour tous, tous pour un. Allez, on piste avec la tarentelle. Merci Laura Vimard et Christelle Jeanblanc pour cette jolie tarentelle. Signé Pierre-Yves Lombard, Jérôme Richard et votre serviteur. Là, on a fait cette tarentelle qui s'appelle « Rien de tel qu'une tarentelle ». Pour nous remonter le moral, voilà. Donc c'était la mère et la fille. Hein. Alors là, c'est extrait de cet album « À la poursuite des boutons » de Laura Vimard. Un album en 14 titres. Voilà, très varié, avec de la marche, de la valse, du tango, du Madison, de la polka, de la tarentelle, de la java, de la rumba. Voilà, c'est sympa. À découvrir, hein, si vous ne l'avez pas en tout cas. Donc après la tarentelle, eh bien, je vous propose d'aller danser la java. Allez, voici une petite java, donc c'est pour nos amis postiers, les facteurs. Hein. Puisque voici la java des postiers. Alors c'est signé Joël Dulac. Et de Christelle Jeanblanc, une java. Donc que j'ai eu le plaisir d'enregistrer dans mon tout dernier album, Le Bal Vosgien, volume 4 en 24 titres. Voilà, donc c'est parti avec la java des postiers, mais avant, eh bien je tiens à vous informer que vous pourrez danser au son de l'accordéon de votre serviteur au Jacquard. Donc dans les Vosges, à côté de Saint-Dié. Et c'est à Mousset, hein, plus précisément. Un petit village qui s'appelle Mousset, donc au Jacquard. C'est un dancing. Donc ce sera le 31 mars, ce dimanche 31 mars à partir de 14h30 et ce jusqu'à 19h. Alors si vous voulez plus d'informations concernant l'été dansant au Jacquard à Mousset, eh bien voici le numéro, c'est le 06 08 24 12 88, je répète 06 08 24 12 88. Voilà, donc c'est parti avec la java des postiers. Et votre serviteur Cyril Renaud dans Musette Party. En tout cas, merci d'être là à l'écoute. Thank you. bien, merci au duo Jean-Marie Lacroix et Françoise Lacroix dans Musette Party. Ben, ils y brouillent très bien puisque c'était la débrouillarde. Alors là, c'est signé eh bien, Jean-Marie et Françoise Lacroix, donc le duo que vous venez d'écouter avec cette Java. Voilà, extrait de leur album en 22 titres hein, qui s'appelle Parfum d'automne. En ce début de printemps d'ailleurs. Hein. Voilà, donc merci à vous deux. Un album en tout cas que vous pouvez retrouver auprès de Jean-Marie ou Françoise Lacroix. Et un album très varié avec de la Java, du boléro, de la tarentelle, du disco, du Madison, du Foxtrot, etc. etc. Alors à présent, eh bien voici un grand monsieur de l'accordéon, eh bien c'est Louis Corchia. Et oui, souvenez-vous, Primo Corchia, donc là c'était le papa, et eh bien là maintenant c'est le fils, Louis Corchia. Bien voici une série de baillons interprétés par Louis Corchia à l'accordéon. Pas au bandoneon, hein, puisque Louis, eh bien, autrement dit Loulou pour les intimes, eh bien, pratique le bandoneon, merveilleusement bien d'ailleurs, hein, mais l'accordéon également. Hein. Alors là, c'est la série de baillons, et ça s'appelle C'est le baillon et le baillon de France. Allez, place au baillon. Merci Louis, voilà, Louis Corchia, dans Mes êtes parti avec cette série de Bayon. Bon, en tout cas, on espère que vous passez un bon moment en notre compagnie, hein. Dans Mes êtes parti sur Radio Gemozo 107.0, Résonance FM 88.1 et Fréquence Amitié 91.3. Alors restez branchés et on poursuit maintenant avec le tcha-tcha-tcha. Et voici un tcha-tcha qui s'appelle Tcha-tcha-tcha à Saint-Domingue. Alors là, c'est signé Sébastien Giroudet, Olivier Conta et Jean-Robert Chaplet. Et donc sur ces trois compositeurs, eh bien, il y a deux compositeurs que vous pouvez retrouver, donc Sébastien Giroudet et Jean-Robert Chaplet, régulièrement dans une émission qui s'appelle Top Accordéon sur TV8 Mont-Blanc. Voilà, ce sont deux animateurs très sympas. Et cet extrait donc de cet album de Sébastien Giroudet, Mes préférés, volume 5, en tout, eh bien 18 titres. Et inclut ce tcha-tcha-tcha que voici. Allez, on se déhanche. En piste avec le tcha-tcha-tcha. Sa beauté. un peu le temps effacera tes vrais mots. N'écoute pas les gens auprès de toi. S'est installé, approché, sûr de lui, il a su consoler celle qui était effondrée et redevenue toute aiguë, se livrant leurs secrets de très près. Leurs lèvres se sont soudain rencontrées, c'est l'amour qui passait dans ce petit bal au quartier. Ils se sont mariés sous le soleil vaillé et cocotier. Le problème, soleil repaumé, le boulot pas trop. Le problème, vivre d'amour, c'est tout ce qu'il te faut. Le problème, n'écoute pas les gens auprès de toi. Fais-le pas trop. Voilà pour le tcha-tcha-tcha. Merci à Guillaume Pruvot. Là, c'était Guillaume Pruvot. Rien à voir avec Romain Pruvot. En tout cas, il nous vient de Yonval dans la Somme. Et c'était No Problemo. D'ailleurs, le titre phare de cet album, puisque cet album eh bien, s'appelle No Problemo. Et c'est un morceau signé Michel Pruvot, Vincent Duez et Guillaume Pruvot. Voilà pour les tcha-tcha-tcha. Et à présent, eh bien, on s'aligne avec le Madison et c'est Stéphane Courtereau et son orchestre que voici. Alors là, c'est le Madison Night, signé Jérôme Richard et Valérie Tissier, et le Madison Binaire, signé Stéphane Courtereau et Michel Ditore. Stéphane Courtereau qui nous vient du territoire de Belfort et que l'on salue. Allez, c'est parti pour les Madison. Stéphane Courtereau dans Musette Party. C'est toujours la même histoire, Madison, quand tu nous tiens, on est C'est le Madison que l'on affectionne. Le soir, on garde tous en mémoire ces quelques pas qu'on danse avec élégance. Madison sacré, bien vitré, à droite, à gauche, en arrière, c'est toujours la même histoire. Madison, quand tu nous tiens, on est si bien qu'on recommence sans résistance. Et voilà pour le Madison. Merci à Stéphane Courterenou. Voilà, vous êtes bien dans Musée de Partie et on poursuit maintenant avec les valses. Alors là, c'est un jeune prodige de l'accordéon que voici. C'est Romain Pruvot. Tout à l'heure, on a eu Guillaume Pruvot. Et bien là, maintenant, Romain Pruvot. Bah, qui est déjà venu d'ailleurs dans nos studios hein, au mois de janvier. Avec son ami Claude Caron, un autre ami également. Et voici une jolie valse, c'est bien qui s'appelle Musette Prodige. Interprétée donc par Romain Pruvot. Alors, place à la valse est Romain Pruvot. Allez, attention, ça va tourner, hein. Eh bien, merci à notre ami Jérôme Richard, extrait de son tout dernier album qui s'appelle « Au plaisir de se revoir ». Un album en 22 titres. Et là, eh bien, vous avez pu apprécier cette valse signée Pierre Louvain et Jérôme Richard. Ça s'appelle « Musette Symphonie ». Voilà, merci à Jérôme. Et on va poursuivre avec le boléro. Le boléro, c'est avec Eric Bouvel que l'on retrouve tout de suite dans Musette Party. Deux boléros, boléro séduction et chanson pour les amoureux. Donc les amoureux, c'est à vous. Place au boléro Eric Bouvel. Thank you. Et n'oubliez surtout pas le gros bisou, hein, primordial. Hein. Après cette jolie série interprétée par Eric Bouvel, donc. Hein. Dans Musette Partie sur Radio Guimauzo 107.0 sur Résonance FM 88.1 sur Fréquence Amitié 91.3. Eh bien oui, c'est votre émission Musette Partie, hein, sur ces trois fréquences, tous les samedis. Hein. Et tous les dimanches également. Alors après le boléro, eh bien on va aller danser le Kuduro avec notre ami Florent Goris et El Kuduro Fiesta. Eh bien cet extrait d'une compilation Franche-Comté en fait, avec l'aimable participation d'Hubert Ledan au chant. Alors c'est un Kuduro de Phil Bouvier, Benoît Chabot et Hubert Ledan, et interprété par Florent Goris. Donc dans cette compilation, vous pouvez retrouver Pierre-Alain Krumnacher, Florent Goris, Émilie Roy, Benoît Chabot, Manu Mauguin et Daniel Girard. Voilà. Donc c'est parti pour le Kuduro. Allez, on se déhanche. On se sent bien et on n'a plus peur de rien. Aujourd'hui c'est la fête. Viens, tes pas ressemblent aux miens. Ce soir par tous les moyens, l'ambiance sera parfaite. Viens, mais qui pourra dire combien devant les musiciens seront sur le tempo quand ils nous joueront El Kuduro Fiesta. Oui, ce sera la fiesta. Danse le Kuduro, oui danse, suis la cadence là sous les projecteurs, ça balance. Danse le Kuduro, oui danse, c'est l'évidence, il est là le bonheur quand on danse. Danse le Kuduro, oui danse, c'est ça qui nous rassemble, c'est là qu'on se ressemble. Un tempo qui nous soulève et qui nous fait bouger sous le même pas, oui c'est ça Kuduro Fiesta. Un pied devant les bras en haut, pu s'inviter à l'improviste. Que vous soyez débutant ou bien des spécialistes, on ne sera pas critique, car on est des fanatiques. Pas de prison, de barreau, quand on danse le coup d'euro. On va danser le coup d'euro. On aime le tempo. Un pied devant, les bras en haut. C'est ça le coup d'euro. On a gardé la voix, hein. C'était Hubert Ledan au chant et à l'accordéon, eh bien, c'était notre ami Eric Collomb. Voilà, tous les deux forment l'orchestre Tendance. Ils nous viennent de Haute-Savoie, ces deux Zas. Donc là, c'était le coup d'euro qui s'appelle Danse le coup d'euro, tout simplement. Extrait de leur album Accordéon Select volume 4. Un album en 26 titres, leur tout dernier disponible actuellement. Hein. Vous êtes bien dans Musette Party ? Et après le coup d'euro, donc ce dernier eh bien, qui est de Bernard Marly, Hubert Ledan, Jérôme Robert et Eric Collomb. Voilà, ce sont les compositeurs de ce dernier coup d'euro. Eh bien, on va danser le rock'n'roll maintenant. Allez, un petit rock'n'roll. Il y a longtemps qu'on n'a pas dansé le rock'n'roll dans Musette Party. Alors, c'est comme au bal avec l'orchestre Jean-Claude Daniel en 19 titres, cet album. Alors là, c'est un rock'n'roll qui s'appelle Tu vuo fa l'americano. Tu vuo fa l'americano. Donc, c'est un rock'n'roll que vous avez pu... qui était repris, et oui, que vous avez certainement entendu sur les ondes de diverses radios, par Danny Briand. Et là, eh bien, c'est l'orchestre Jean-Claude Daniel qui vous l'interprète. Hein. Allez, c'est parti pour le rock'n'roll. Tu vas au fal americano. Avec l'accent, ça fait bien quand même. Et le deuxième, eh bien, ce sera le chic rock musette. Ah, c'est plus facile à dire. Hein. Le deuxième, ce sera chic rock musette. Extrait d'une compilation qui s'appelle La saga musette par Michael Larchange. Avec Stéphanie Moreau dans cette compilation, Jean-Paul Cressandon, Maurice Larchange, Marc Pascal, Sandra J, Nicolas Massoutier, Dorothée Loire, Samuel Garcia, Jean-Michel Sonnera. Voilà, donc il y a tout ça dans cette compilation, la saga Musette. Donc c'est pour le deuxième rock'n'roll. Allez, en piste avec les rock'n'roll. Et n'oubliez pas dans quelques instants l'agenda du week-end et de la semaine pour savoir où danser dans votre région. Puerto Cancún con usted malarete, na cupurela cavidiara esate, pase campania do peturete, coma na guapo pete fa guardé. Tu vuoi fare mercado, mercado, mercado, siéntame que tu fa fa, tu può vivere alla moda, ma si bevi un whisky e soda, potesse te disturbare. Tu amano rock and roll, tu gioca a baseball, passa le becche a me, chi te dica la borsetta di mamma, tu può fare l'americano, mercato, mercato, ma di nati in Italia, senti a me, non c'è sta niente a fa, ok. Ma te può capire chi t'avo bene, si tu la parli mezzo americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come te vede campagna e lo vio. La moda, ma si bevi whisky e soda, o te senti disturbato, tu amano rock and roll, tu gioca a baseball, passa le becche a me, chi te dirà la borsetta di mamma, tu vuoi fare mercato, mercato, mercato, ma di nani di tali, senta me, non c'è sta niente a fa, ok napolitan, tu vuoi fare mercato, tu vuoi fare mercato. C'est chic, tout rock musette. C'est ta top top top top musique qui fait top top top dans la tête. C'est du top top top top, c'est chic, tout rock musette. De musette rock, à la guitare, à la trompette, ils enflamment comme une allumette dans tous les coins de la planète et sur le net. C'est ta top top top top musique qui fait top top top dans la tête. C'est du top top top top, c'est chic, le rock musette. C'est ta top top top top musique qui fait top top top dans la tête. C'est du top top top top, c'est chic. C'est pas du top ni de la vague, c'est du lourd qui casse la baraque, qui met le feu dès qu'il attaque, ou met la claque. Berlin à Londres au Québec, son nom tout le monde l'a dans la tête. Même dans les bars qu'on les fête, qu'on bouge avec. C'est ta top top top top musique qui fait top top top dans la tête. C'est du top top top top, c'est chic, le rock musette. C'est ta top top top top musique qui fait top top top dans la tête. C'est du top top top top, c'est chic, le rock musette. Musique, il fait top top top dans la tête. C'est du top top top top, c'est chic, le rock musette. C'est de top top top top musique, il fait top top top dans la tête. C'est du top top top top, c'est chic, le rock musette. la tap tap tap tap musique. C'est plus tap tap tap tap c'est chic. C'est la tap tap tap tap musique. C'est plus tap tap tap tap c'est chic. On s'y retrouve en cadence sur les parquets des guinguettes pour s'y revoir chanter et danser. Les rendez-vous de la danse dans une super ambiance. Les acrobates bon musette ne peuvent s'en passer l'hiver, l'été. Passer l'hiver, l'été, l'hiver, l'été, l'hiver, l'été, l'hiver, l'été. Eh bien, où danser dans les Vosges? Eh bien, notamment du côté d'Épinal. À la maison Léonard, eh bien, vous y danserez à partir de midi, enfin pour leur pas dès midi ou dès 14h pour le thé dansant. Et ça sera animé par l'orchestre Évolution et Fabienne Claudet à l'accordéon. Donc de 14h à 19h pour le thé dansant et dès midi pour le repas. Demain dimanche 24 mars et le 31 mars, eh bien, vous y danserez, même formule, dès midi pour le repas et dès 14h pour le thé dansant. Ça sera animé par notre ami Frédéric Buche. Le 31 mars, donc à Épinal, à la maison Léonard. Le numéro de téléphone pour plus d'informations, eh bien voici le numéro, c'est le 03 29 34 31 65. Je répète, 03 29 34 31 65. Toujours dans les Vosges, eh bien, il y a le Pierraco à l'Aveline devant Bruyères. Eh bien, vous pourrez danser au Pierraco demain dimanche 24 mars de 14h30 à 19h avec l'orchestre Calypso. Et le dimanche 31 mars, eh bien, vous pourrez y danser avec Christelle Jeanblanc. Mêmes horaires, hein, 14h30, 19h. Le numéro du Pierraco, eh bien, c'est le 03 29 58 50 65. Je répète, 03 29 58 50 65. Toujours dans les Vosges, eh bien, vous pourrez danser aux variétés chez Sylvie et Thierry au Tio. De 14h30 à 19h. Donc demain, eh bien, vous y danserez le 24 mars avec Christelle Jeanblanc. Rendez-vous de la danse. Et le 31 mars, eh bien, ça sera animé par Eric Schmitt. Ambiance. les accords. Donc le numéro des variétés Otio pour plus d'infos, eh bien c'est le 03 29 25 01 01. Je répète 03 29 25 01 01. L'hiver, l'été, l'hiver, l'été. Et à noter que du côté du Jacquard à Mousset, donc à côté de Saint-Dié, eh bien vous pourrez y danser le 31 mars avec votre serviteur Cyril Renaud de 14h30 à 19h, donc au Jacquard à Mousset. Le numéro, eh bien c'est le 06 08 24 12 88, je répète 06 08 24 12 88. Du côté du Petit Creux à Madone et Lameray, entre Dompère et Épinal. Alors vous y danserez demain, dimanche 24 mars, avec notre ami Martial Villemain, de 14h30 à 19h. Et le prochain Thé dansant, eh bien, aura lieu le dimanche 7 avril avec Charlotte Buche, donc au Petit Creux à Madone et Lameray. Le numéro pour plus d'infos, enfin les numéros, il y en a deux. Le premier 03 29 43 11 16, je répète 03 29 43 11 16, ou alors 06 09 08 54 82, je répète 06 09 08 54 82. Du côté de la Meurthe-et-Moselle, eh bien, vous y danserez notamment du côté de la salle des fêtes de Jolivet. Oui, aujourd'hui, ce samedi 23 mars, eh bien, de 16h à 22h, il y aura un thé dansant. Ce sera animé par notre ami Jean-François Besson et c'est organisé par Jolivet Festif. Hein, donc aujourd'hui, samedi 23 mars, de 16h à 22h. Alors le numéro pour plus d'informations, bien voici le numéro, c'est le 03 83 73 40 67. Je répète 03 83 73 40 67. Et à noter que le 31 mars à la salle des fêtes d'Hériménil, eh bien vous pourrez y danser avec Benoît Prisbilla. À partir de 14h30. C'est organisé donc par la MJC d'Hériménil. Alors le numéro de téléphone, eh bien, c'est le 03 83 73 41 86. Je répète 03 83 73 41 86. Dans la Meuse, eh bien, vous pourrez y danser dans la Meuse, notamment à côté de Bar-le-Duc à Revigny-sur-Ornain, au Madison, à partir de 14h30. Eh bien, vous y danserez donc demain, dimanche 24 mars, avec Tony Bruce. Le rendez-vous de la danse dans une suite. Alors, le numéro de téléphone pour plus d'infos, eh bien, c'est le 09 66 42 28 53. Je répète, 09 66 42 28 53. C'est l'hiver, l'été, l'hiver, l'été, l'hiver, l'été, l'hiver, l'été. Du côté de la Franche-Comté, notamment en Haute-Saône, alors vous pourrez danser à la guinguette des Chavannes, la Velle Le Châtel. Donc demain dimanche 24 mars à partir de 14h30 et ce jusqu'à 19h30 avec l'orchestre Amalgame. Et le 31 mars, eh bien, à la guinguette des Chavannes, toujours à Velle-le-Châtel, eh bien, vous pourrez y danser avec Michel Lachat. Le numéro pour plus d'infos, pour réserver vos places, eh bien, c'est le 06 33 55 47 60. Je répète, 06 33 55 47 60. À Breux chez Luxeuil au Cristal Danse, eh bien, vous y danserez demain de 14h30 à 19h30 avec votre serviteur Cyril Renaud Alors le numéro pour plus d'infos ou pour réserver, eh bien c'est le 03 84 40 37 05. Je répète, 03 84 40 37 05. Côté du Doubs, dans le Doubs, eh bien, vous y danserez également donc, à la guinguette du Thuillet à Mézandan entre Villers-Excel et Baume-les-Dames. Donc demain, dimanche 24 mars, eh bien, ce sera animé par Liliane. 14h30, 19h. Et le 31 mars, eh bien, le week-end prochain, ce sera animé par notre ami Yannick Catin. Alors, le numéro de la guinguette du Thuillet à Mézandan, eh bien, c'est le 03 81 84 72 55. Je répète, 03 81 84 72 55. Une super ambiance. Du côté de la Haute-Marne, en Champagne-Ardenne maintenant, eh bien, vous pourrez danser à la Marina de Saint-Dizier. Demain, dimanche 24 mars, avec Philippe Chanteur. L'hiver, l'été. De 15h à 20h. L'hiver, l'été. Et le dimanche 31 mars, eh bien, le week-end prochain, vous y danserez avec notre ami Martial Villemain, de 15h à 20h également à la Marina. Le numéro pour plus d'informations, eh bien c'est le 03 25 06 48 92. Je répète, 03 25 06 48 92. Toujours dans la Haute-Marne, il y a la niche à Domarien entre Langres et Dijon. Alors demain, dimanche 24 mars, vous y danserez au son de l'accordéon de Yannick Catin. De 15h à 20h. Et le 31 mars, eh bien, vous y danserez également de 15h à 20h à la niche avec le duo des montagnes Cyril Denry et Virginie Zeflinski, les célèbres Savoyards. Donc le numéro de la niche pour plus d'informations, eh bien, c'est le 06 79 24 36 39. Je répète, 06 79 24 36 39. À Bourbonne-les-Bains, on y dansera également au Foulon. Alors demain, dimanche 24 mars, de 15h à 20h, vous pourrez y danser avec Damien Poyard, au chant et à l'accordéon. Alors demain, dimanche 24, ce sera de 15h à 20h. Et ce mercredi 27 mars, de 15h à 19h30, eh bien, vous y danserez avec votre serviteur Cyril Renaud, au Foulon, toujours à Bourbonne-les-Bains. Et à noter que ce vendredi 29 mars, eh bien, ce sera le bal du vendredi soir au Foulon, de 20h30 à 1h30. Vous pourrez danser avec Michel Lachat. Et à noter également le grand bal de carnaval donc, qui aura lieu le dimanche 31 mars de 15h à 20h avec des beignets maison offerts en plus. Hein. Super ambiance. Et si vous y allez déguisé, eh bien le Foulon vous offre l'entrée. C'est bon à savoir ça. Hein. L'hiver, l'été. Donc ce sera le grand bal de carnaval au Foulon avec Florent Goris à l'accordéon, donc au Foulon. Le numéro pour plus d'infos, eh bien, c'est le 03 25 90 02 57. Je répète, 03 25 90 02 57. Et enfin, dans l'Aube, eh bien, la salle des fêtes de Rouy-Saint-Loup à côté de Troyes. Alors, on y danse tous les mardis. Et ce mardi 26 mars, eh bien, vous pourrez danser avec Christelle Jeanblanc de 14h à 19h. Comme tous les mardis. Et le mardi 2 avril, eh bien, ce sera Bruno Thiébaud à l'accordéon. Donc à Rouy-Saint-Loup, hein, à la salle des fêtes.